Un jour sans doute, tu m'oublieras, et je garderai toujours le parfum de toi. Si loin déjà, je ne t'en veux pas, car je garderai toujours le parfum de toi, le parfum de toi, le parfum. Oui, ainsi va la vie, sous le soleil et dans le vent. On s'aime, on se quitte, et ainsi s'envole le temps. L'amour sans doute nous survivra. Moi je garderai toujours le parfum de toi, le parfum de toi, le parfum de toi. Oui, ainsi va la vie, sous le soleil et dans le vent. On s'aime, on se quitte, et ainsi passe le temps. Un jour sans doute, tu m'oublieras, mais je garderai toujours le parfum de toi, le parfum.